règles, y'en a pas, dur de décoller. Tes potes soi-disant là pour t'épauler, font que retourner les vestes. Pas là pour rire, c'est un pari osé, mais je rêve pas trop pour parcourir comme Marie-José Pérec. Hein. Je leur mets l'eau à la bouche et comme à la boucherie, nique les restes, je suis sur le terrain, mes ennemis sont à la douche. Je débarque à la cool, ma vie je l'aime comme elle est. Des fois je tape dans le punching ball, mais je fais pas l'acteur comme elle est le cool G. On m'a dit fais Bélec au coup de coude au bout de shit. Bref, au coup susceptible de générer beaucoup de chiffres. Me mets pas le couteau sous la gorge, il faut des sous, je te l'accorde. Pas de tournevis pour ouvrir les portes de la Porsche. Ils en demandent encore, on va aller goum goum. À force de rapper, mon cœur fait boum boum comme en Corse. On me dit tiens le cap, t'es à peine à mi-chemin. Mais pour l'instant, je tiens la route comme si je travaillais chez Michelin. Ambiance bizarre. C'est la nouvelle école, préviens mes camarades de classe. Faut qu'on s'arrache avec un max de cash. Ambiance bizarre. C'est la nouvelle école, préviens mes camarades de classe. Faut qu'on s'arrache avec un max de cash. L'ambiance est tendue, donc y'en a plein qui paniquent de finir entre quatre planches, le nom sur une plaque métallique. Opération coup de poing, anticapitaliste, mais nos voix sont bouchées comme aux heures de pointe à place d'Italie. Les temps changent, donc chacun ses penchants, mais plus personne est choqué de voir dans un coin de gars qui se câlinent. Fais pas ton égoïste, dit ta chérie, s'est fait serrer. Elle veut faire comme son héroïne dans sa série préférée. J'écoute pas les gars qui me salissent. À force de baver sur mon rap, je fais que marcher dans des flaques de salive. Tes amis se transforment en diable comme Tasmanie. Les Tasmanie, mon sgeg avale ça comme une glace vanille. Non sérieux, pas de panique, vos jalousies me galvanisent. On cavale, on veut la fortune de Roberto Cavalli. On est comme chien et chat pour l'argent et ça se banalise. La chance t'échappe, ça fait un pas et qu'elle a fait sa valise. Ambiance bizarre. C'est la nouvelle école, préviens mes camarades de classe. Faut qu'on s'arrache avec un max de cash. Ambiance bizarre. C'est la nouvelle école, préviens mes camarades de classe. Faut qu'on s'arrache avec un max de cash. Mon son c'est comme la drogue, quand tu y goûtes il te met une claque sévère. Quand y'en a pas y'en a qui tremblent et qui se grattent les veines. Je classe mes amis comme je classe mes mails. Ma première pensée va pour le cash à chaque réveil. Si tu parles mal j'ai le wifi, mais pour du partage je suis facile à connecter comme une carte wifi. Ici l'écart se creuse, fais gaffe au précipice. Je suis précis, je précise que je viens mettre ma pierre à l'édifice. Ambiance bizarre. C'est la nouvelle école, préviens mes camarades de classe. Faut qu'on s'arrache avec un max de cash. Ambiance bizarre. C'est la nouvelle école, préviens mes camarades de classe. Faut qu'on s'arrache avec un max de cash.